Lucien de Samosat, Histoire véritable. Livre premier. Premièrement, les athlètes et ceux qui s'exercent le corps ne se préoccupent pas exclusivement d'entretenir leurs forces naturelles. Ils ne songent pas toujours aux travaux du gymnase, mais ils ont leurs heures de relâche et ils regardent ce repos comme une très bonne part de leurs exercices. Je crois qu'à leur exemple, il convient aux hommes qui s'appliquent à l'étude des lettres de donner quelques relâches à leur esprit après de longues heures consacrées à des lectures sérieuses et de le rendre par là plus vif à reprendre ses travaux. Deuxièmement, toutefois, ce repos ne leur sera profitable que s'ils s'appliquent à lire des œuvres qui ne les charment pas uniquement par un tour spirituel et une agréable simplicité, mais où l'on trouve la science jointe à l'imagination, comme on les rencontrera, je l'espère, dans ce livre. En effet, ce n'est pas seulement par la singularité du sujet, ni par l'agrément de l'idée, qu'il devra plaire, ni même parce que nous y avons répandu des fictions sous une apparence de probabilité et de vraisemblance. Mais parce que chaque trait de l'histoire fait allusion d'une manière comique à quelques-uns des anciens poètes, historiens ou philosophes qui ont écrit des récits extraordinaires et fabuleux. J'aurais pu vous citer leurs noms si vous ne deviez pas facilement les reconnaître à la lecture. Troisièmement, Ctésias de Cnide, fils de Stésiocus, a écrit sur les Indiens et sur leur pays des choses qu'il n'a ni vues ni entendues de la bouche de personne. Jean Bull a raconté des faits incroyables sur tout ce qui se rencontre dans l'océan. Il est évident pour tous que cette œuvre n'est qu'une fiction. C'est cependant une composition qui ne manque pas de charme. Beaucoup d'autres encore ont choisi de semblables sujets. Ils racontent comme des faits personnels soit des aventures, soit des voyages où ils font la description d'animaux énormes, d'hommes pleins de cruauté ou vivant d'une façon étrange. L'auteur est le maître de toutes ces impertinences et l'Ulysse d'Homère qui raconte chez Alcinous l'histoire de l'esclavage des vents, d'hommes qui n'ont qu'un œil, qui vivent de chair crue et dont les mœurs sont tout à fait sauvages. Puis viennent les monstres à plusieurs têtes, la métamorphose des compagnons d'Ulysse, opérée au moyen de certains filtres et mille autres merveilles qu'il débite aux bons phéaciens. Quatrièmement. Pourtant, quand j'ai lu ces différents auteurs, je ne leur ai pas fait un trop grand crime de leurs mensonges, surtout en voyant que c'était une habitude familière, même à ceux qui font profession de philosophie. Et ce qui m'a toujours étonné, c'est qu'ils se soient imaginés qu'en écrivant des fictions, la fausseté de leurs récits échapperait au lecteur. Moi-même, cependant, entraîné par le désir de laisser un nom à la postérité, et ne voulant pas être le seul qui n'usa pas de la liberté de feindre, j'ai résolu, n'ayant rien de vrai à raconter, vu qu'il ne m'est arrivé aucune aventure digne d'intérêt, de me rabattre sur un mensonge beaucoup plus raisonnable que ceux des autres. Car n'y aurait-il dans mon livre, pour toute vérité, que l'aveu de mon mensonge, il me semble que j'échapperai aux reproches adressés par moi aux autres narrateurs, en convenant que je ne dis pas un seul mot de vrai. Je vais donc raconter des faits que je n'ai pas vus, des aventures qui ne me sont pas arrivées, et que je ne tiens de personne. J'y ajoute des choses qui n'existent nullement et qui ne peuvent pas être. Il faut donc que les lecteurs n'en croient absolument rien. Cinquièmement, parti un jour des colonnes d'Hercule et porté vers l'océan occidental, je fus poussé au large par un vent favorable. La cause et l'intention de mon voyage étaient une vaine curiosité et le désir de voir du nouveau. Je voulais, en outre, savoir quelle est la limite de l'océan, quels sont les hommes qui en habitent le rivage opposé. Dans ce dessein, j'embarquai de nombreuses provisions de bouche et une quantité d'eau suffisante. Je m'associais 50 jeunes gens de mon âge ayant le même projet que moi. Je m'étais muni d'un grand nombre d'armes. J'avais engagé pour une forte somme un pilote à nous servir de guide et j'avais fait appareiller notre navire qui était un vaisseau marchand de manière à résister à une longue et violente traversée. Sixièmement, pendant un jour et une nuit, nous eûmes un bon vent qui nous laissa en vue de la terre sans nous emporter trop au large. Mais le lendemain, au lever du soleil, la brise devint plus forte. Les flots grossirent, l'obscurité nous enveloppa et il ne fut plus possible d'amener les voiles. Forcés de céder et de nous abandonner au vent, nous fûmes battus par la tempête durant 79 jours. Mais le 80e, au lever du soleil, nous aperçûmes à une petite distance une île élevée, couverte d'arbres et contre laquelle les flots allaient doucement se briser. Nous nous dirigeons vers le rivage, nous débarquons et comme il arrive à des gens qui viennent d'être violemment éprouvés, nous nous étendons pendant longtemps sur la terre. Enfin, nous nous levons. Nous en choisissons 30 d'entre nous pour garder le navire et je prends les 20 autres avec moi pour aller faire une reconnaissance dans l'île. Septièmement, parvenu au travers de la forêt, à la distance d'environ 3 stades de la mer, nous voyons une colonne d'airain portant une inscription en caractère grec, difficile à lire, à demi effacée et disant « Jusque-là sont venus Hercule et Bacchus ». Près de là, sur une roche, était l'empreinte de 2 pieds, l'une d'un arpent, l'autre plus petite. Je jugeai que la petite était celle du pied de Bacchus et l'autre d'Hercule. Nous adorons ces 2 demi-dieux et nous poursuivons. À peine avons-nous fait quelques pas que nous rencontrons un fleuve qui roulait une sorte de vin semblable à celui de Quillot. Le courant était large, profond et navigable en plusieurs endroits. Nous nous sentons beaucoup plus disposés à croire à l'inscription de la colonne en voyant ces signes manifestes du voyage de Bacchus. L'idée m'étant venue de savoir d'où partait ce fleuve, j'en remonte le courant et je ne trouve aucune source, mais de nombreuses et grandes vignes pleines de raisins. Du pied de chacune d'elles coulait goutte à goutte un vin limpide qui servait de source à la rivière. On y voyait beaucoup de poissons qui avaient la couleur et le goût du vin. Nous en pêchons quelques-uns que nous mangeons et qui nous enivrent. Or, en les ouvrant, nous les trouvons pleins de lie. Aussi, nous prîmes plus tard la précaution de mêler des poissons d'eau douce à cette sorte de mets afin d'en corriger la force. Huitième partie. Après avoir traversé le fleuve à un endroit guéable, nous trouvons une espèce de vigne tout à fait merveilleuse. Le tronc, dans sa partie voisine de la terre, était épais et élancé. De sa partie supérieure sortaient des femmes dont le corps, à partir de la ceinture, était d'une beauté parfaite, telle que l'on nous représente Daphné changée en laurier au moment où Apollon va l'atteindre. À l'extrémité de leurs doigts poussaient des branches chargées de grappes. Leur tête, au lieu de cheveux, était couverte de boucles qui formaient les pampres et les raisins. Nous nous approchons. Elles nous saluent, nous tendent la main, nous adressent la parole, les unes en langue lydienne, les autres en indien, presque toutes en grec, et nous donnent des baisers sur la bouche. Mais ceux qui les reçoivent deviennent aussitôt ivres et insensés. Cependant, elles ne nous permirent pas de cueillir de leurs fruits, et si quelqu'un en arrachait, elles jetaient des cris de douleur. Quelques-unes nous invitaient à une étreinte amoureuse, mais 2 de nos compagnons, s'étant laissés prendre par elles, ne purent s'en débarrasser. Ils demeurèrent pris par les parties sexuelles, hantés avec ces femmes et poussant avec elles des racines. En un instant, leurs doigts se changèrent en rameaux, en vrilles, et l'on eût dit qu'ils allaient aussi produire des raisins. Neuvième partie. Nous les abandonnons, nous fuyons vers notre vaisseau et nous racontons à ceux que nous y avions laissés la métamorphose de nos compagnons, désormais incorporés à des vignes. Cependant, munis de quelques amphores, nous faisons une provision d'eau et nous puisons du vin dans le fleuve auprès duquel nous passons la nuit. Le lendemain, au point du jour, nous remettons à la voile avec une brise légère. Mais sur le midi, quand nous étions hors de la vue de l'île, une bourrasque soudaine vient nous assaillir avec une telle violence qu'après avoir fait tournoyer notre vaisseau, elle le soulève en l'air à plus de 3000 stades et ne le laisse plus retomber sur la mer. La force du vent engagée dans nos voiles tient en suspens notre embarcation et l'emporte de telle sorte que nous naviguons en l'air pendant 7 jours et 7 nuits. Dixième partie. Le 8e jour, nous apercevons dans l'espace une grande terre, une espèce d'île brillante, de forme sphérique et éclairée d'une vive lumière. Nous y abordons, nous débarquons, et après avoir reconnu le pays, nous le trouvons habité et cultivé. Durant le jour, on ne put apercevoir de là aucun autre objet. Mais sitôt que la nuit fut venue, nous vîmes plusieurs autres îles voisines, les unes plus grandes, les autres plus petites, toutes couleurs de feu. Au-dessus, l'on voyait encore une autre terre, avec des villes, des fleuves, des mers, des forêts, des montagnes. Il nous parut que c'était celle que nous habitons. Onzième partie. Nous étions décidés à pénétrer plus avant, quand nous fûmes rencontrés et pris par des êtres qui se donnent le nom d'hippogypes. Ces hippogypes sont des hommes portés sur de grands vautours dont ils se servent comme de chevaux. Ces vautours sont d'une grosseur énorme et presque tous ont 3 têtes. Pour donner une idée de leur taille, je dirais que chacune de leurs plumes est plus longue et plus grosse que le mât d'un grand vaisseau de transport. Nos hippogypes avaient l'ordre de faire le tour de leur île et s'ils rencontraient quelque étranger, de l'amener au roi. Ils nous prennent donc et nous conduisent à leur souverain. Celui-ci nous considère et jugeant qui nous étions d'après nos vêtements. « Étranger, nous dit-il, vous êtes grec. » Nous répondons affirmativement. « Comment alors êtes-vous venus ici en traversant un si grand espace d'air ?» Nous lui racontons notre aventure et lui à son tour nous dit la sienne. Il était homme et s'appelait Endymion. Un jour pendant son sommeil, il avait été enlevé de notre terre et à son arrivée, on l'avait fait roi de ce pays. Or, ce pays n'était pas autre chose que ce qu'en bas nous appelons la lune. Il nous engagea à prendre courage et à ne craindre aucun danger, qu'on nous donnerait tout ce dont nous aurions besoin. Douzième partie. Si je mène à bien, ajouta-t-il, la guerre que je suis en train de faire aux habitants du soleil, vous passerez auprès de moi la vie la plus heureuse. Quels sont donc ses ennemis, disons-nous, et quelle est la cause des hostilités? Phaéton, répond-il, roi des habitants du soleil, car le soleil est habité comme la lune, nous fait la guerre depuis longtemps. Voici pourquoi. J'avais rassemblé tous les pauvres de mon empire et j'avais dessein de les envoyer fonder une colonie dans l'étoile du matin qui est déserte et inhabitée. Phaéton, par jalousie, voulut y mettre obstacle et vers le milieu de la route, il se présenta devant nous avec les hippos Myrmèques. Vaincus dans le combat par la supériorité du nombre, nous sommes forcés d'abandonner la place. Mais aujourd'hui, je veux reprendre la guerre, et si vous voulez partager avec moi cette expédition, je vous ferai donner à chacun un de mes vautours royaux et le reste de l'équipement. Dès demain, nous nous mettrons en marche. « Comme il vous plaira, lui dis-je. » 13e partie. Il nous retient alors à souper, et nous demeurons dans son palais. Le matin, nous nous levons, et nous nous mettons en ordre de bataille, avertis par les espions de l'approche des ennemis. nos forces consistaient en 100 000 soldats, sans compter les goujats, les conducteurs des machines, l'infanterie et les troupes alliées. Le nombre de ces dernières s'élevait à 80 000 hippogypes et 20 000 combattants montés sur des lacanoptères. C'est une espèce de grands oiseaux, tout couvert de légumes au lieu de plumes, et dont les ailes rapides ressemblent beaucoup à des feuilles de laitue. Près d'eux étaient placés les sancroboles et les scorodomaques, 30 000 psylotoxotes et 50 000 anémodromes étaient venus de l'étoile de l'ours en qualité d'alliés. Les psylotoxotes étaient montés sur de grosses puces, d'où leur nom, et ces puces étaient de la taille de 12 éléphants. Les anémodromes sont des fantassins et ils sont portés par les vents sans avoir besoin d'ailes. Voici comment. Ils ont de longues robes qui leur descendent jusqu'aux talons. Ils les retroussent et le vent, venant à s'y engouffrer, les fait naviguer en l'air comme des barques. La plupart se servent de boucliers dans le combat. On disait qu'il devait en outre arriver des astres situés au-dessus de la Cappadoce, 70 000 stroutobalanes et 50 000 hippogéranes. Mais nous ne les vîmes pas, attendu qu'ils ne vinrent point. Aussi, je n'ose en faire la description, car ce qu'on en disait me paraissait fabuleux et incroyable. 14e partie. Telles étaient les troupes d'Endymion. Toutes portaient la même armure. Les casques étaient de fèves, qui sont dans ce pays grandes et dures. Les cuirasses, disposées par écailles, étaient faites de cosses de lupin cousues ensemble et dont la peau était aussi impénétrable que de la corne. Les boucliers et les sabres ressemblaient à ceux des Grecs. 15e partie. Au moment décisif, l'armée fut rangée comme il suit. L'aile droite fut occupée par les hippogypes et par le roi, entourée des plus braves combattants au nombre desquels nous étions. À la gauche se placèrent les lacanoptères et au centre les troupes alliées, chacune à son rang. L'infanterie montait à 60 000 et voici comment on la rangea en bataille. Dans ce pays, les araignées sont en grand nombre et beaucoup plus grosses, chacune, que les îles Cyclades. Endymion leur donna l'ordre de tisser une toile qui s'étendit depuis la lune jusqu'à l'étoile du matin. Elles l'exécutèrent en un instant et cela fit un champ sur lequel rangea son infanterie commandée par Nycthérion, fils de Dianax, et par deux autres généraux. 16e partie. L'aile gauche des ennemis était composée d'hippomyrmèques au milieu desquels était Phaéton. Ces hippomyrmèques sont des animaux ailés, semblables à nos fourmis, à la grosseur près, car le plus énorme d'entre eux a au moins deux arpents. Non seulement ceux qui les montent prennent part à l'action, mais ils se battent même avec leurs cornes. On nous dit que leur nombre était d'environ 50 000. À l'aile droite étaient les aéroconopes, en nombre à peu près égal, tous archers et montés sur de grands moucherons. Derrière eux, on plaça les aérocoras, infanterie légère et soldats belliqueux. Ils lançaient de loin d'énormes raves avec leurs frondes. Celui qui en était frappé ne pouvait résister longtemps. Il mourait infecté par l'odeur qui s'exhalait aussitôt de sa blessure. On disait qu'ils trempaient leurs flèches dans du jus de mauve. Près d'eux se rangèrent les colomycètes, grosse infanterie qui se bat de près au nombre de 10 000. On les appelle colomycètes parce qu'ils se servent de champignons pour boucliers et pour lances de queue d'asperges. Ensuite venaient les cynobalanes qu'avaient envoyés à Phaéton les habitants de Sirius au nombre de 5 000. Ce sont des hommes à tête de chien qui combattent de dessus des glands ailés. On nous dit qu'il leur manquait plusieurs alliés en retard, les frondeurs mandés de la Voie lactée et les néphélocentaures. Ceux-ci arrivèrent quand la bataille était encore indécise, et plutôt Dieu qu'ils ne fussent pas venus. Les frondeurs ne parurent pas, aussi l'on prétend que dans la suite, Phaéton irrité brûla leur pays. Voilà quelle était l'armée du roi du soleil. 17e partie. On en vient aux mains. Les étendards sont déployés. Les ânes des deux armées se mettent à braire. Ce sont eux en effet qui servent de trompette. Et la mêlée commence. L'aile gauche des Héliotes ne pouvant soutenir le choc de nos hippogypes, nous la poursuivons et nous en faisons un grand carnage. Mais leur aile droite enfonce notre gauche et les aéroconopes, fondant tout à coup sur elle, la poursuivent jusqu'au rang de notre infanterie qui s'avance pour la secourir et les oblige à se retirer en désordre, surtout quand ils s'aperçoivent que leur aile gauche est vaincue. Leur déroute devient générale. Beaucoup sont faits prisonniers. Un plus grand nombre sont tués. Le sang ruisselle de tous côtés sur les nuées qui en sont teintes et qui prennent cette couleur rouge que nous leur voyons au coucher du soleil. Il en tomba jusque sur la terre et ce fut sans doute, selon moi, à l'occasion de quelque événement semblable arrivé autrefois dans le ciel qu'Homère nous dit que Jupiter plut du sang à la mort de Sarpédon. 18e partie. Au retour de la poursuite des ennemis, nous dressons deux trophées, l'un sur la toile d'araignée pour célébrer le succès de l'infanterie, l'autre sur les nuées à cause de notre victoire en l'air. Nous achevions lorsque des espions vinrent nous annoncer l'arrivée des Néphalocentaures qui auraient dû venir auprès de Phaéton avant le combat. Nous les voyons arriver, spectacle étrange d'être moitié homme, moitié chevaux ailés. Leur grosseur est telle que l'homme qui compose la partie supérieure égale la moitié du colosse de Rhodes et les chevaux un gros vaisseau marchand. Leur nombre était si considérable que je ne l'ai pas écrit de peur qu'on ne refusât de me croire. Ils avaient à leur tête le Sagittaire du Zodiaque. Dès qu'ils se furent aperçus de la défaite de leurs alliés, ils envoyèrent dire à Phaéton qu'il revint à la charge. Eux-mêmes, s'étant formés en bataille, tombent sur les Sélénites, débandés, errants, dispersés à la poursuite de leurs ennemis et à la dépouille des morts. Ils les renversent, donnent la chasse au roi jusqu'à la ville, lui tuent la meilleure partie de ses vautours, arrachent les trophées, parcourent toute la plaine qu'avaient tissue les araignées et me font prisonnier avec deux de mes compagnons. Phaéton arrive en ce moment et nos ennemis, après avoir érigé de nouveaux trophées, nous emmenèrent, prisonniers, le même jour dans l'Empire du Soleil, les mains liées derrière le dos avec un fil d'araignée. 19e partie. Ils ne jugent pas à propos d'assiéger la ville, mais revenant sur leurs pas, ils construisent au milieu des airs un mur qui empêche les rayons du soleil d'arriver jusqu'à la lune. Ce mur était double et composé de nuées. Voilà donc la lune obscurcie par une éclipse totale et enveloppée d'une nuit complète. Endymion, accablé d'un tel malheur, envoie des ambassadeurs supplier Phaéton de détruire la muraille et de ne pas le laisser vivre ainsi dans les ténèbres. Il promet de lui payer un tribut, de ne plus lui faire la guerre et il lui offre des otages comme garant du traité. Phaéton assemble deux fois son conseil. À la première délibération, les vainqueurs persistent dans leur colère. À la seconde, ils se ravisent. 20e partie. La paix est conclue sur les clauses suivantes. Une alliance est faite entre les Héliotes et leurs alliés, les Sélénites et leurs alliés, à condition que les Héliotes raseront la muraille d'interception et ne feront plus d'irruption dans la lune. Ils rendront les prisonniers moyennant la rançon fixée pour chacun d'eux. De leur côté, les Sélénites laisseront les autres astres se gouverner d'après leurs lois. Ils ne feront plus la guerre aux Héliotes, mais les deux peuples formeront une ligne offensive et défensive. Le roi des Sélénites payera au roi des Héliotes un tribut annuel de 10 000 amphores de rosée et lui donnera pour otage pareil nombre de ses sujets. La colonie de l'étoile du matin sera faite en commun et chaque peuple y enverra ceux qui voudront en être. Ce traité sera gravé sur une colonne d'ambre dressée en l'air aux confins des deux empires. On jurait pour les Héliotes, Pyronides, Térites et Phlogus. Pour les Sélénites, Nictor, Ménus et Polylampe. 21e partie. Ainsi la paix fut conclue, le mur démoli et nous autres rendus à la liberté. À notre retour dans la lune, nos compagnons s'accoururent au-devant de nous et nous embrassèrent en versant des larmes. Endymion en fit autant. De plus, il nous engagea à demeurer auprès de lui et à nous établir dans la colonie. Il me promit même de me donner son fils en mariage, car il n'y a pas de femme dans ce pays. Mais je ne me laissais point aller à ses offres, et je le priai de vouloir bien nous faire redescendre à la mer. Quand il vit qu'il lui était impossible de me convaincre, il nous congédia après nous avoir régalés pendant 7 jours. 22e partie. Il faut cependant que je vous raconte les choses nouvelles et extraordinaires que j'ai observées durant mon séjour dans la Lune. Et d'abord, ce ne sont point des femmes, mais des mâles qui y perpétuent l'espèce. Les mariages n'ont donc lieu qu'entre mâles, et le nom de femme y est totalement inconnu. On y est épousé jusqu'à 25 ans, et à cet âge, on épouse à son tour. Ce n'est point dans le ventre qu'ils portent leurs enfants, mais dans le mollet. Quand l'embryon a été conçu, la jambe grossit. Puis, plus tard, au temps voulu, ils y font une incision et en retirent un enfant mort qu'ils rendent à la vie en l'exposant au grand air, la bouche ouverte. C'est sans doute de là qu'est venu chez les Grecs le nom de gastrocnémie, puisqu'au lieu du ventre, c'est la jambe qui devient grosse. Mais voici quelque chose de plus fort. Il y a dans ce pays une espèce d'homme appelée dendrite, qui naissent de la manière suivante. On coupe le testicule droit d'un homme et on le met en terre. Il en est un arbre grand, charnu, comme un phallus. Il a des branches, des feuilles. Ses fruits sont des glands d'une coudée de longueur. Quand ils sont mûrs, on récolte ses fruits et on en écosse des hommes. Leurs parties sont artificielles. Quelques-uns en ont d'ivoire, les pauvres en ont de bois, et ils remplissent avec cela toutes les fonctions du mariage. 23e partie. Quand un homme est parvenu à une extrême vieillesse, il ne meurt pas, mais il s'évapore en fumée et se dissout dans les airs. Ils se nourrissent tous de la même manière. Ils allument du feu et font rôtir sur le charbon des grenouilles volantes qui sont chez eux en grande quantité. Puis ils s'asseyent autour de ce feu comme d'une table et se régalent en avalant la fumée qui s'exhale du rôti. Telle est leur place solide. Leur boisson est de l'air pressé dans un vase où il se résout en un liquide semblable à de la rosée. Ils ne rendent ni urine ni excréments, n'ayant pas comme nous les conduits nécessaires. Ils ne peuvent pas non plus avoir par cette voie de commerce avec des mignons, mais par les jarrets où s'ouvre leur gastrocnémie. C'est une beauté chez eux que d'être chauves et complètement dégarnis de cheveux. Ils ont les chevelures en horreur. Dans les comètes, au contraire, les cheveux sont réputés beaux, au moins d'après ce que nous en dirent quelques voyageurs. Leur barbe croît un peu au-dessus du genou. Leurs pieds sont dépourvus d'ongles et tous n'y ont qu'un seul doigt. Il leur pousse au-dessus des fesses une espèce de gros chou en manière de queue, toujours vert et ne se brisant jamais lors même que l'individu tombe sur le dos. 24e partie. De leur nez découle un miel fort âcre. Et lorsqu'ils travaillent ou s'exercent, tout leur corps sue du lait, dont ils font des fromages en y faisant couler un peu de ce miel. Ils tirent de l'oignon une huile très grasse et parfumée comme de la myrrhe. Ils ont beaucoup de vignes qui donnent de l'eau. Les grains du raisin ressemblent à des grêlons. Aussi, je crois que, quand un coup de vent agite ces vignes, alors ils tombent chez nous de la grêle, qui n'est autre que ces raisins égrenés. Leur ventre leur sert de poche. Ils y mettent tout ce dont ils ont besoin, car ils s'ouvrent et se ferment à volonté. On n'y voit ni intestin ni foie. mais il est velu et poilu intérieurement, en sorte que les enfants s'y blottissent quand ils ont froid. 26e partie. Je vis une bien autre merveille dans le palais du roi. C'était un grand miroir, placé au-dessus d'un puits d'une profondeur médiocre. En y descendant, on entendait tout ce qui se dit sur la terre. Et en levant les yeux vers le miroir, on y voyait toutes les villes et tous les peuples, comme si l'on était au milieu d'eux. J'y vis mes parents et ma patrie. Je ne sais s'ils me virent aussi. Je n'oserais l'affirmer. Mais si l'on se refuse à me croire, on verra bien en y allant que je ne suis pas un imposteur. 27e partie. Cependant, après avoir salué le roi et ses amis, nous mettons à la voile. Endymion me fit présent de 2 tuniques de verre, de 5 robes de cuivre et d'une armure complète de cosse de lupin. Mais j'ai laissé tout cela dans la baleine. Il nous donna pour escorte 1000 hippogypes qui nous accompagnèrent l'espace de 500 stades. 28e partie. Nous côtoyons alors beaucoup de pays différents et nous abordons à l'étoile du matin où était la nouvelle colonie pour débarquer et faire de l'eau. De là, nous dirigeons vers le zodiaque et laissant le soleil à gauche, nous naviguons presque à fleur de terre sans pouvoir descendre malgré le désir de mes amis, mais le vent nous était contraire. Nous voyons toutefois une contrée fertile, couverte de bocages, riche de tous les biens. Les Néphélo-Centaures, mercenaires de Phaéton, nous ayant aperçus, volèrent sur notre navire, mais à la nouvelle du traité, ils se retirèrent. Heureusement, car nos hippogypes étaient déjà repartis. 29e partie. Nous voguons ensuite une nuit et un jour, et vers le soir, nous arrivons à Lycnopolis, après avoir dirigé notre course vers les régions inférieures. Cette ville située dans l'espace aérien qui s'étend entre les Iades et les Pléiades est un peu au-dessous du zodiaque. Nous débarquons et nous n'y trouvons pas d'hommes, mais des lampes qui se promenaient sur le port et dans la place publique. Il y en avait de petites, apparemment la populace, et quelques-unes, les grands et les riches, brillantes et lumineuses. Elles avaient chacune leur maison, je veux dire leur lanterne, et chacune leur nom, comme les hommes. Nous les entendions même parler. Loin de nous faire aucun mal, elles nous offrent l'hospitalité. Mais nous nous ont acceptés, et personne de nous n'a le courage de souper et de passer la nuit avec elles. Le palais du roi est situé au milieu de la ville. Le prince y est assis toute la nuit, appelant chacune d'elles par son nom. Celle qui ne répond pas est condamnée à mort pour avoir abandonné son poste. La mort, c'est d'être éteinte. Nous nous rendons au palais pour voir ce qui s'y passait et nous entendons plusieurs lampes se justifiant et exposant les motifs pour lesquels elles arrivaient si tard. Je reconnus parmi ces lampes celle de notre maison. Je lui demandai des nouvelles de ma famille et elle satisfit à mes questions. Nous passons là le reste de la nuit. Le lendemain, nous repartons. Nous nous rapprochons des nuages et nous découvrons la ville de Néphélo-Coxégie. Sa vue nous frappe d'admiration. Mais nous n'y pouvons aborder, contrariés par le vent. Le roi régnant est Coronus, fils de Cotyphion. Je me rappelais en ce moment ce que dit de cette ville Aristophane, poète grave et véridique, et je trouvais qu'on a tort de ne pas croire à ses assertions. 3 jours après, nous aperçûmes distinctement l'océan, mais aucune terre, si ce n'est celles qui sont dans les régions célestes, et déjà même, elles prenaient à nos yeux une couleur de feu des plus éclatantes, lorsque le 4e jour, vers midi, le vent s'étant calmé et étant tombé tout à fait, nous redescendîmes sur la mer. 30e partie. À peine avons-nous touché l'eau salée qu'il fallait voir notre joie, nos transports d'aise. Nous nous abandonnons à toute l'allégresse d'un pareil instant et nous jetant à la mer, nous nous mettons à nager. Le temps était calme, la mer tranquille, mais souvent le retour au bonheur n'est que le présage de plus grandes infortunes. Il y avait 2 jours que notre vaisseau voguait paisiblement sur l'océan, lorsque le 4e, au lever du soleil, nous voyons paraître tout à coup une quantité prodigieuse de monstres marins et de baleines. La plus énorme de toutes était de la longueur de 1500 stades. Ce monstre nage vers nous la gueule béante, troublant au loin la mer, faisant voler l'écume de toutes parts et montrant des dents beaucoup plus grosses que nos phallus, aiguës comme des pieux et blanches comme de l'ivoire. Nous nous disons alors le dernier adieu, nous nous embrassons et nous attendons. La baleine arrive qui nous avale et nous engloutit avec notre vaisseau. Par bonheur, elle ne serra pas les dents, ce qui nous eût écrasés, mais le navire put couler à travers les interstices. 31e partie. À l'intérieur, ce ne sont d'abord que ténèbres, parmi lesquelles nous ne distinguons rien. Mais bientôt, le monstre ayant ouvert la gueule, nous apercevons une vaste cavité, si large et si profonde qu'on aurait pu y loger une ville et 10 000 hommes. Au milieu, on voyait un amas de petits poissons, des débris d'animaux, des voiles et des ancres de navires, des ossements d'hommes, des ballots, et plus loin, une terre et des montagnes, formées sans doute par le limon que la baleine avalait. Il s'y était produit une forêt, avec des arbres de toute espèce, des légumes y poussaient, et l'on eût dit une campagne en fort bon état. Le circuit de cette terre était de 240 stades. On y voyait des oiseaux de mer, des mouettes, des alcyons qui faisaient leurs petits sur les arbres. 32e partie. En ce moment, nous nous mettons à fondre en larmes. Mais enfin, je relève le courage de mes compagnons. Nous étayons le vaisseau, nous battons le briquet, nous allumons du feu et nous préparons un repas de tout ce qui nous tombe sous la main. Or, il y avait là une grande quantité de poissons de toute espèce, et il nous restait encore de l'eau de l'étoile du matin. Le lendemain, à notre lever, chaque fois que la baleine ouvrait la gueule, nous apercevons ici des montagnes, là le ciel tout seul, souvent même des îles, et nous sentons que l'animal parcourt avec vitesse toute l'étendue de la mer. Nous finissons par nous accoutumer à notre séjour. Et prenant avec moi 7 de mes compagnons, je pénètre dans la forêt, déterminé à en faire une reconnaissance complète. Je n'avais pas fait 5 stades que je trouve un temple de Neptune, comme l'indiquait l'inscription. Un peu plus loin, je découvre plusieurs tombeaux avec leurs cippes, et tout près de là, une source d'eau limpide. En même temps, nous entendons aboyer un chien, et nous voyons de loin s'élever de la fumée. Nous ne doutons pas qu'il n'y ait là quelque habitation. 33e partie. Nous avançons promptement et nous rencontrons un vieillard et un jeune homme qui travaillaient avec ardeur à cultiver un jardin et à diriger l'eau de la source. Ravis et effrayés tout ensemble, nous nous arrêtons. Ceux-ci, visiblement animés des mêmes sentiments que nous, n'osent dire un seul mot. Enfin, le vieillard. « Qui êtes-vous » dit-il. « Étranger ? Des dieux marins ou d'infortunés mortels comme nous ? Nous sommes des hommes, jadis habitants de la terre, aujourd'hui vivant au milieu de la mer, forcés de nager avec le monstre qui nous renferme, incertains du sort que nous éprouvons. Il nous semble en effet que nous sommes morts, et pourtant nous croyons vivre encore. « Et nous aussi, lui dis-je, ô mon père !» Nous sommes des hommes arrivés depuis peu dans cette contrée. Avant-hier, nous fûmes avalés avec notre navire. En ce moment même, nous allions en reconnaissance dans cette forêt qui nous a paru étendue et épaisse. C'est un dieu sans doute qui nous a conduits pour vous y voir et pour apprendre que nous ne sommes pas les seuls enfermés dans le monstre. Mais racontez-nous vos aventures, qui vous êtes et comment vous êtes descendus ici. « Vous le saurez, nous répond le vieillard, mais ce ne sera pas avant que vous ayez reçu de moi les présents de l'hospitalité que je puis vous offrir. » À ces mots, il nous prend la main et nous conduit à sa demeure, qu'il avait su rendre assez commode et dans laquelle il avait disposé des lits avec d'autres objets nécessaires. Là, il nous sert des légumes, des fruits, des poissons, du vin. Et nous voyons rassasiés, il nous demande le récit de nos aventures. Je lui raconte sans en rien au maître la tempête, notre arrivée à l'île des Vignes, notre navigation aérienne, notre bataille et le reste jusqu'à notre descente dans le poisson. 34e partie. Frappé de surprise, il se met à son tour à nous raconter son histoire. « Étranger, dit-il, je suis né à Chypre, parti de ma patrie avec mon fils que vous voyez et plusieurs serviteurs, je faisais voile vers l'Italie, emmené avec moi sur un grand navire, notre cargaison, dont vous avez sans doute vu les débris dans le gosier de la baleine. Jusqu'en vue de la Sicile, notre traversée fut heureuse. Mais assaillis alors d'un vent furieux, nous sommes emportés en 3 jours dans l'océan, où cette baleine nous rencontre et nous avale, hommes et navires. Tous nos compagnons périssent. Seuls, nous échappons tous les deux au danger. Après avoir donné la sépulture à nos morts, nous élevons un temple à Neptune et nous commençons à vivre comme nous faisons, cultivant des légumes dans ce jardin, mangeant des poissons et des fruits. Cette forêt très étendue, ainsi que vous le voyez, contient des vignes qui produisent un vin fort agréable. Et vous avez aperçu sans doute une source dont l'eau est pleine de limpidité et de fraîcheur. Nous nous faisons un lit de feuillage, nous allumons un grand feu, nous allons à la chasse des oiseaux qui volent autour de nous et nous pêchons des poissons vivants en pénétrant dans les branchies du cétacé. Nous y prenons même des bains lorsque nous le désirons. Par-delà, en effet, se trouve un vaste étang salé qui peut avoir 20 stades de tour et dans lequel se trouvent des poissons de toute espèce. Nous nous amusons à y nager et à naviguer dessus dans une petite barque que j'ai faite moi-même. Voici la 27e année qui s'écoule depuis notre engloutissement. 35e partie. Notre condition d'ailleurs serait assez tolérable si nous n'avions des voisins, des êtres logés près de nous qui sont de mœurs difficiles, insupportables, barbares, sauvages. « Et quoi ? Lui dis-je, il y a dans la baleine d'autres êtres que nous ?»« Oui, et en grand nombre, répond-il, tous inhospitaliers et d'un aspect effroyable. À l'extrémité occidentale de la forêt, vers la queue, ce sont les Tarikanes. Ils ont des yeux d'anguille et un visage d'écrevisse, peuple hardi, belliqueux et ne vivant que de chair crue. De l'autre côté, vers la partie droite, sont les Tritonomandettes. Ils ressemblent à des hommes, depuis la tête jusqu'à la ceinture. Le reste est d'un bouc. Ils sont moins féroces que les autres. À gauche se trouvent les Carcinochires et les Tinocéphales, qui ont fait entre eux alliance et amitié. Au centre séjournent les Pagourades et les Psétopodes, race batailleuse et vite à la course. La partie orientale vers la gueule est presque entièrement déserte à cause des inondations de la mer. Quant à la partie que j'occupe, j'en ai la jouissance moyennant un tribut annuel de 500 huîtres que je paye aux Psétopodes. 36e partie. Voilà l'état du pays. Il faut cependant pourvoir à notre subsistance et aux moyens de nous défendre contre tous ses habitants. Quel en est le nombre ? Lui dis-je. Ils sont plus de 1000. Et quelles sont leurs armes ? Rien que des arêtes de poisson. Cela étant, lui dis-je, nous ne risquons rien à les attaquer, puisqu'ils n'ont pas d'armes et que nous en avons. Si nous sommes vainqueurs, nous vivrons désormais sans inquiétude. Cet avis prévaut, et nous regagnons notre vaisseau pour faire nos préparatifs. Le refus du tribut devait être le prétexte de la guerre. C'était justement l'époque de l'échéance. Des ambassadeurs étaient venus pour le recevoir. Le vieillard leur répond avec hauteur et les chasse. Aussitôt les Psétopodes et les Pagourades, indignés contre Saint-Arus, c'était le nom de notre hôte, marchent contre lui avec grand tumulte. 37e partie. Nous avions prévu leur attaque. Nous les attendons de pied ferme, tout en armes, après avoir envoyé une vedette de 25 hommes avec l'ordre de ne sortir d'embuscade que quand ils auraient vu les ennemis passer. ils exécutent cette manière, tombent sur les derrières de nos agresseurs et les taillent en pièces. Pour nous qui étions aussi au nombre de 25, y compris Saint-Arus et son fils, qui avaient également pris les armes, nous les attaquons de front et engageant la mêlée avec courage et vigueur, nous livrons un combat douteux. Enfin, nous les mettons en fuite et nous les poursuivons vivement jusqu'à leur caverne. Ils laissent 170 des leurs sur la place. Nous n'avions qu'un seul homme tué, le pilote, qui a le dos percé d'une arête de rouget. 38e partie. Nous restons ce jour et la nuit suivante sur le champ de bataille et nous y dressons un trophée fait de l'épine dorsale d'un dauphin. Le lendemain, les autres peuples, ayant appris la défaite de leurs alliés, se présentent à nous. Les Tarikanes commandés par Pélamus à l'aile droite. À la gauche, les Tinocéphales. Au centre, les Carcinochires. Les Tritonomandettes avaient gardé la neutralité et s'étaient rangés d'aucun parti. La rencontre se fit près du temple de Neptune. Nous nous élançons en poussant de grands cris qui retentissent dans la baleine comme dans une caverne profonde. Nous mettons en fuite nos adversaires désarmés, nous les poursuivons à travers la forêt et nous restons maîtres du reste de la contrée. 39e partie. Quelque temps après, ils nous envoient des héros, enlèvent leurs morts et font des propositions d'amitié. Nous refusons toute espèce de trêve et pénétrant le lendemain sur leur territoire, nous les taillons tous en pièces, à l'exception des Tritonomandettes. Mais ceux-ci, ayant vu de quelle manière nous avons traité les autres, s'enfuient en courant par les branchies du cétacé et s'élancent dans la mer. Maîtres dès lors du pays purgé d'ennemis, nous y vivons tranquilles, nous livrant à divers exercices, à la chasse, à la culture de la vigne, à la récolte du fruit des arbres, semblables en un mot à des gens qui vivent agréablement et librement dans une grande prison d'où il leur est impossible de sortir. Nous passâmes ainsi 1 an et 8 mois. 40e partie. Le 5e jour du 9e mois, vers le second bâillement de la baleine, car il est bon de savoir que l'animal bâillait une fois par heure, ce qui nous servait à compter les divisions du jour. Vers le second bâillement, dis-je de nombreuses voix, et un grand tumulte se font entendre, comme un chant et un bruit de rameurs. Troublés, comme on peut croire, nous nous glissons vers la gueule de la baleine, et nous tenant dans l'intervalle des dents, nous voyons le plus étrange des spectacles qui se soit offert à mes yeux. Des géants d'un demi-stade de hauteur, voguant sur de grandes îles comme sur des galères. Je sais bien que ce que je raconte trouvera mes lecteurs incrédules, mais je le dirai pourtant. Ces îles étaient plus longues que hautes, et chacune d'elles, qui avait environ 100 stades de circuit, était montée par 120 de ces géants. Les uns, assis le long des bords de l'île, se servaient en guise de rames de grands cyprès garnis de toutes leurs branches et de tout leur feuillage. Derrière, comme à la poupe, un pilote se tenait debout, monté sur une colline et tenant à la main un gouvernail d'airain long d'un stade. À la proue, 40 guerriers tout armés paraissaient prêts à combattre. Ils ressemblaient tout à fait à des hommes, sauf la chevelure. La leur était de feu, étincelante, en sorte qu'ils n'avaient pas besoin de casque. Au lieu de voile, chaque île avait au centre une vaste forêt qui se gonflait sous le vent et faisait aller l'île au gré du pilote. Ils avaient un chef de rameur, et ceux-ci manœuvraient avec effort, comme on a coutume de le faire, pour faire avancer les gros vaisseaux. 41e partie. D'abord, nous n'en vîmes que 2 ou 3, puis bientôt il en parut près de 600, qui, se séparant en 2 flottes, commencèrent une bataille navale. Les proues se choquent, plusieurs vaisseaux sont fracassés, d'autres s'en trouvent et sont coulés à fond. Plusieurs dans la mêlée combattent avec vigueur et ne lâchent point l'abordage. Les hommes placés à la proue déploient la plus grande valeur, s'élancent sur le navire ennemi et massacrent tous sans pitié. On ne fait aucun prisonnier. au lieu de grappins, ils se lancent de gros polypes attachés les uns aux autres, qui, s'embarrassant dans la forêt, arrêtent la marche du vaisseau. Ils combattent et se blessent à coups d'huîtres qui rempliraient un char et avec des éponges de la grandeur d'un arpent. 42e partie. L'un des deux partis avait pour chef Éole au centaure et l'autre Thalassopotès. Leur querelle était survenue, dit-on, à propos du butin. Il paraît que Thalassopotès avait enlevé plusieurs troupeaux de dauphins à Éole au centaure. C'est du moins ce qu'on pouvait conjecturer d'après leurs cris, qui nous apprirent également le nom des deux rois. Enfin, la victoire reste aux troupes d'Éole au centaure. Il coule à fond plus de 150 des îles ennemies et se rend maître de Troie avec tout leur équipage. Le reste s'enfuit, la poupe brisée. Les vainqueurs les poursuivent quelque temps et reviennent le soir pour recueillir les débris des deux flottes. Ils s'emparent de ce qui reste des vaisseaux ennemis et recouvrent leurs propres biens, car ils avaient eux-mêmes perdu plus de 80 de leurs îles. Ensuite, ils dressent un trophée comme souvenir de cette nésomachie et suspendent un des vaisseaux ennemis à la tête de la baleine. Ils passent cette nuit auprès du monstre, auquel ils attachent leurs câbles et leurs ancres, faites de cristal et d'une extrême grosseur. Puis, le lendemain, après avoir fait un sacrifice sur le dos de la baleine et enseveli leur mort, ils se rembarquent, joyeux, en entonnant un chant de victoire. Voilà quel fut le combat des îles. Fin de la première partie des histoires véritables de Lucien de Samosate.